Éducation populaire, donc l'éducation debout, éducation populaire plutôt. Donc l'éducation populaire à nuit debout, on va reprendre les choses les unes après les autres. Donc aujourd'hui, en fait, on a décidé de transférer notre atelier Quelle société veut-on? Suivez mon stylo. Qu'on faisait le vendredi, donc on a décidé de le transférer le dimanche à 15h, parce que le froid arrive, même si aujourd'hui on a l'air d'avoir une journée plutôt clémente. Donc depuis le mois d'août, en fait, on a décidé de vous faire participer, vous, inconnus de la place, passants, nuit déboutistes, voilà, tous ensemble sur cette place. Et on a décidé, c'est qu'ensemble on construirait une société idéale. Donc il y a tout un nombre de propositions qui ont été données. Les deux premières séances ont été très générales, ça partait un petit peu dans tous les sens et on a noté tout ça. Et très rapidement, on s'est aperçu en fait qu'il y avait plusieurs thématiques qui se dégageaient. Donc on a fait des thèmes, des grands thèmes. On en a discuté jusque-là puisque c'est notre 12e séance aujourd'hui. Et donc la séance du jour, en fait, c'est le gouvernement. Donc dans cet atelier, on a nos petites habitudes en fait. Et la première habitude, c'est que on va vous lire en fait ce qui est sorti de l'atelier de la semaine dernière. Donc on a fait un petit résumé. Je vais me prêter à cet exercice formidable de la lecture. Donc du coup, on était sur la partie gestion des richesses et des biens communs. Et on était sur la question de la remise en question des mythes de l'économie néoclassique vers une économie post-capitaliste à inventer, rejet du principe de croissance vers un principe de mieux vivre ensemble. Alors, donc là c'est le moment où nous on parle un peu beaucoup et après en fait c'est à vous de parler. Hein. Alors, donc ce qu'on a vu, c'est que la machine doit être au service de l'homme, tout comme le travail et pas l'inverse, et ainsi de toute l'économie. Détacher les dimensions économiques et politiques. L'économie néoclassique et le capitalisme ne peuvent pas aller avec le développement durable. Ne plus penser en termes de croissance, mais de gestion responsable des richesses pour des projets communs. Si on abolit le système de prêts, d'intérêts et de profits, on retourne aux besoins présents. La croissance infinie est un produit mathématique qui n'est pas en rapport avec les ressources disponibles. Deuxième point, que l'argent reste une matière première, type métal à échanger. Troisième point. Être conscient de nos actes et de la circulation, production des marchandises. On a le pouvoir de modifier l'environnement, faire attention à ne pas détruire ce qui existe déjà. Abolir les frontières, penser local en région et global au niveau du monde. Rendre impossible que les privés achètent des territoires entiers. Quatrième point, mythe de Darwin, qui est faux, déformation de la théorie de base. Sur la survie du plus fort qui forge l'esprit de compétition et du capitalisme. Utiliser plus fort en temps plus faible. Sortir de ce schéma pour penser en termes d'équilibre des différences, pas pour aller vers une norme. L'ordre phallique a été institué depuis la religion maître-esclave. Point suivant. Mythe de l'individualisme qui, en servant son propre intérêt, servirait la collectivité. C'est une forme idéale. Le remplacer par le mythe de la place importante que l'individu occupe dans un environnement qui circule sur lui-même ou de façon cyclique. Penser en termes circulaires plutôt qu'ascendants. On sort de l'idée de croissance ainsi que du toujours plus et de l'obsolescence programmée. Ça met en lien l'égosystème et l'écosystème vers la permaculture, un mode de production partagé, entre parenthèses, pas de propriété sur les moyens d'échange. La pensée circulaire supposerait que nous définissons nous-mêmes notre propre cercle avant de l'étendre, pardon, à des cercles plus larges dans lesquels on gravite, tout en gardant son centre. L'homme cherche actuellement des solutions à l'extérieur de lui-même, alors que les richesses sont à l'intérieur de soi. Deux points. Qu'est-ce qui fait que les gens cherchent à être puissants? Depuis la mise en place du rapport maître-esclave, nous sommes entrés dans un ordre phallique, ordre qui se fonde sur un principe de reconnaissance et d'aliénation à cette reconnaissance. Le maître jouit du corps de l'esclave et par la force, il me maintient dans la reconnaissance de sa puissance par une aliénation physique. L'esclave, lui, jouit de son propre corps en dehors de la présence physique du maître. Il reconnaît son maître selon ses besoins fondamentaux. Le maître dépend du corps de l'esclave pour jouir, il est aliéné physiquement à l'esclave pour jouir de sa puissance. Son corps même ne lui appartient plus. L'objet de sa jouissance étant le corps de l'esclave. L'ordre phallique a peu à peu inclus toutes les subjectivités. Le maître est aliéné au corps de l'autre pour jouir. Il dépend donc de la reconnaissance de l'esclave. et l'esclave a son propre corps en partie aliéné. Sa survie dépend de la reconnaissance du maître, mais il peut jouir de la part de liberté qui lui reste. Peu à peu, toutes les subjectivités sont entrées dans la position du maître, même les plus exclues de celle-ci, les prolétaires, les femmes. L'esclave s'est devenu le marché lui-même, tout est valeur d'échange. Le sujet dépend du marché pour jouir, le marché est en partie aliéné au corps du sujet, mais une part de son activité s'évapore ailleurs. Sortir du processus de reconnaissance et de l'ordre phallique via la pensée circulaire pour que le plaisir ne soit plus une question de possession ou de consommation, mais de déplacement des perceptions. Point suivant. Peur de manquer de quelque chose. Changer le rapport à l'idéal, ou bien qu'il n'y ait pas d'idéal à imposer. Faudrait-il une morale dans cette société ? Garde-t-on la justice ? Si on garde la justice, il faut un système pénal et un système carcéral, ou alors on trouve un autre moyen à développer dans la partie justice, qu'on fera prochainement. On s'imagine tout le temps que l'autre va nous manipuler. On projette beaucoup de choses négatives qui empêchent la rencontre et produisent de la méfiance et du repli sur soi. Dernier point, les institutions fixent les pouvoirs en voulant réguler, ça donne de l'esclavage. La règle serait le partage, conserver la propriété d'usage. Quand on a besoin de quelque chose, on l'utilise. Quand on n'en a plus besoin, on le laisse à disposition de l'autre. Le salaire à vie peut être une transition pour y arriver. Et donc le dernier point, c'est une société sans argent. Et après j'en aurai fini. Alors, dans la société sans argent, donc l'argent limite, voire coupe le rapport à l'autre en donnant l'impression qu'on n'a pas besoin des autres, que l'argent est devenu une fin plus qu'un moyen, il oriente nos comportements. Une société sans argent ne serait pas redistributive. Les inégalités seront régulées par l'échange direct et la partage. Et le partage plutôt. Ensuite, la multiplication végétative permet de lutter contre la pollution. C'est une expansion où chacun utilise ce qui existe déjà pour le faire perdurer. Pour les pots communs servant à construire des projets, pas besoin d'argent. Chacun donne de ses compétences pour y arriver et on trouve là où il y a des ressources ou bien on échange. C'est un processus à très long terme pour y arriver. Sans argent, on définira plus facilement de quoi on a besoin et on arrêtera le gaspillage. Distinction entre partage et échange en fonction de la proximité. Pensez l'échange sans argent. Comment ça marche pour la santé ? Diffusion des savoirs et informations. Groupe de travail entre initiés et non initiés. Projet commun pour des recherches à développer en fonction des besoins. Chacun prend soin de soi et des autres. Comment fait-on pour gérer l'énergie, électricité, gaz, textile ? Faire circuler les savoirs pour les compétences soient partagées. Entre parenthèses, garder les moyens de communication virtuels qui favorisent cet échange de connaissances, mais comme produit à utiliser à plusieurs et à long terme. Pas comme produit individuel. Limiter la production en pensant ressources communes. Comment fait-on pour gérer les ressources rares que l'on ne veut pas partager ? Pour les ressources rares dont on peut se passer, cacao, champagne, etc., privilégier leur accès local, chaque lieu ayant en fait ses ressources rares. Le problème est d'en faire un profit et produit d'exploitation. Limiter les besoins, développer ce à quoi on a accès. Pour les ressources rares indispensables, type cuivre, fer, gaz, le penser sous terme de distribution mondiale équitable, chacun allant à son tour participer à sa production, pour pas qu'il y ait un rapport de force entre les territoires, favoriser les déplacements et échanges. Voilà. Donc, comme vous voyez, on est en plein dans l'utopie, et c'est le but de cet atelier. Et la deuxième phase, c'est qu'une fois qu'on aura fait tous les points, en fait, bah, ça sera la plus dure à construire, c'est comment et quels sont les moyens pour le mettre en place. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Jérôme. Et donc, on va commencer la partie gouvernement avec les différents points. Et n'hésitez pas à lever la main pour participer. Et pour qu'on puisse construire ensemble, en tout cas, voilà, cette société idéale. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher si ça vous intéresse. Ici, tout le monde participe, tout le monde peut donner, dire ce qu'il a envie de dire. Aujourd'hui, le thème, c'est gouvernement, les gouvernements, le gouvernement. Donc, les points qui ont été mis en avant pour le moment, au niveau du gouvernement... C'est société qui se reconnaît plurielle et divisée, associe chaque citoyen au débat, conseil constitutionnel citoyen. Démocratie directe avec plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, pas de référendum, peu démocratique et ne permettant pas de débat et de conscience citoyenne. État d'urgence sociale plus que sécuritaire en cas de crise. Assemblée participative au niveau des communes, gestion du budget, des projets. citoyens tirés au sort pour des assemblées constituantes. Limiter l'action des politiques en fonction de leurs compétences. Lobbying interdit auprès des députés. Donc, dans un premier temps, on va... Déjà, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire par rapport au gouvernement ? Est-ce que quelqu'un veut commencer à prendre la parole ? Ce que pour lui serait un gouvernement dans une société utopique ? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Non ? Pour le moment, non ? Ouais. Un gouvernement, déjà, c'est, bah, c'est un peuple. C'est une organisation. Un peuple, c'est des gens. Ces gens ont des besoins. Il faut qu'ils les expriment à tous les niveaux. Et le gouvernement est chargé d'organiser au plus simple, cette... alors, j'aime même pas le terme économie, ce marché. Les gens n'entendent pas bien ? Ouais. Ouais. Voilà, non, c'est tout ce que je voulais dire. Je dois répéter ? J'ai... Ouais ? Bon, voilà. Merci. Ouais. Alors, ça m'étonne que dans tout ce que tu as dit, il n'y a pas la notion de budget participatif. Mais pas à la mode parisienne, que ça c'est de l'escroquerie. À la mode française même, éventuellement. J'ai vu une vidéo faite à... Comment ça fonctionne à Porto Alegre, au Brésil, soi-disant chez les sauvages, où tout le 100% du budget est soumis à la population. C'est-à-dire combien d'argent, quel pourcentage vous voulez pour les écoles, combien pour les routes, combien... Pour l'armée, etc., pour la police. Et les gens décident, et non seulement ils décident, mais après ils ont le droit de contrôle sur tout ce qui se fait. C'est-à-dire s'ils voient que ce n'est pas respecté, ils peuvent bloquer le processus. Et c'est très simple, il n'y a pas besoin de chef, il n'y a pas besoin de gouvernement, et tout le monde est responsable des autres. Merci. Alors, très clairement, sur ce thème-là, alors, déjà, si on oublie des choses, effectivement, ne pas hésiter à nous le dire, hein, parce que nous, on n'a pas la science infuse, et c'est, encore une fois, c'est les propositions des gens, et c'est pas nos propositions à nous, Éducation Populaire, même si on en partage toute une partie. Moi, sur ce sujet-là, en fait, c'est une question, une interrogation en fait que je me pose et que j'ai envie de vous poser. C'est on entend souvent que les gens en fait ont besoin cette notion de l'homme providentiel en fait. Moi je sais pas trop ce que ça veut dire parce que là on le voit un petit peu actuellement. On se dit bon bah voilà tous les hommes politiques et femmes politiques qui sont là. Ils ne représentent pas forcément, etc., etc. Je vais pas faire ce débat-là, mais il faudrait un homme providentiel. Et moi, ce qui m'embête un petit peu dans cette formulation, c'est que pourquoi un homme providentiel ? Pourquoi nous, on peut pas faire les choses nous tous ensemble, collectivement ? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on a besoin d'un guide, d'un truc ? Et c'est là où moi, j'ai un petit peu du mal avec cette phase-là. Donc, dans une société entre guillemets idéale. Je sais pas moi s'il y aurait besoin vraiment d'un chef. Effectivement, on a parlé et on en parle souvent de choses collectives, mais je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait une personne qui serait capable de le faire. Humainement, c'est un truc de fou, l'homme providentiel, moi j'aimerais vraiment pas être à sa place, parce que peu importe les décisions que tu prends, forcément il y en a qui vont plaire, d'autres pas plaire, et c'est une responsabilité énorme à porter sur un seul sur une seule entre guillemets épaule. Le problème aussi dans la société idéale, et ça c'est un vœu pieux, c'est qu'il faut arrêter tout ce qui pollue autour de ces gens là, tous ces conseillers, tous ces machins de l'ombre là, ces Patrick Buisson et compagnie là. Ça il faut arrêter avec tout ça. Et il faut assainir s'il y a une forme de gouvernement à avoir, et encore une fois, je ne dis pas qu'il faudra un gouvernement, hein, mais c'est pour ouvrir des portes, il faut assainir complètement ça, il faut dépolluer tout ça, parce que c'est entaché par, bah, par la communication politique. On a beaucoup parlé de communication ici, mais on le voit maintenant, ils sont tous formatés, ils sont tous quasiment tous coachés, ça sera plus français. Et finalement, voilà, on a déjà dit, à chaque fois qu'ils parlent, bah, en fait, c'est pas pour pas dire grand-chose, et le fond, il est tout souvent occulté. Donc voilà, encore une fois, c'est un petit peu confus, mais j'essaie d'ouvrir des portes. Mais voilà, cette question, est-ce qu'on a besoin d'un guide ou d'un homme providentiel? Moi, j'en sais rien. Et... Providentiel? Allez, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que le marché, l'économie, a besoin d'argent pour s'organiser? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre manière de... Ça marche mieux, non ? D'autre manière de s'organiser ? Donc une question simple que je vous pose à tous, c'est est-ce que donc le marché a besoin de l'argent, la monnaie, pour fonctionner ? Est-ce que tu peux définir le marché, ce que c'est selon toi, parce que le marché, la production, hein, donc il y a sur Terre, c'est assez simple, hein, il y a des humains, la nature produit ce dont les humains ont besoin, les humains transforment ces produits et les consomment et les transportent aussi. Du coup, est-ce qu'on a besoin d'argent pour faire fonctionner ce système de consommation comme on a aujourd'hui? Ok. Donc là, sans parler d'argent, je vais donner une petite idée pour le nouveau gouvernement utopique et réalisable. Donc, je continue sur l'idée de passer déjà par la réécriture de la Constitution par des constituants au mieux entièrement tirés au sort pour éviter justement corruption et qu'on ait que toujours des classes de riches pour les créer. Et ensuite, dans le meilleur des cas, on tombe sur une vraie démocratie. Donc après, ça peut être au choix. Soit les gens, soit la majorité souhaite garder des représentants. Dans ce cas, il faut y instaurer de nombreux contrôles au pouvoir. Que ce soit mandat impératif, non-cumul de mandat, non-renouvelable, etc. Et évidemment, aucune immunité parlementaire. Et puis, la liste est longue. Donc de cette manière-là, si on a un fort contrôle sur les représentants, on pourrait les garder. Bon, après, dans le meilleur des cas, ce que je souhaiterais, c'est que justement pour écrire les lois ou prendre des décisions, qu'on ait des groupes de citoyens tirés au sort pour travailler justement ces projets, ces décisions pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire selon les sujets, et qu'enfin ils soient votés soit par référendum sur les lois vraiment qui sont vraiment importantes, ou sinon qui peuvent passer. Bon, ça c'est à définir. Et je commence bien, j'imagine bien au moins une société démocratique vue de cette façon. Donc juste, je vais dire, en fait, vous prenez des tours de parole, il suffit que vous leviez la main, et puis moi, je prends en note. Non. Ah, pour le moment. Ah, ici, en fait, on est à Debout Éducation Populaire. Ouais, non, c'était juste pour répondre pour l'argent, en fait. En fait, c'est dommage parce qu'on a fait cet atelier la semaine dernière. Et du coup, la semaine dernière, on a parlé pendant 2 heures de société sans argent, etc. Donc, malheureusement, on n'y répondra pas aujourd'hui. Mais on était parti sur le non, hein, qu'on a a priori, on n'a peut-être pas besoin. Mais oui, on est parti dans la possibilité qu'il n'y en ait pas, ouais. Mais après, bon, il y a plusieurs pistes, donc voilà, c'est tout. Moi, c'était pour rebondir sur ta question. Enfin, sur ta question, non, c'était pas une question. En fait, c'était tu disais qu'il faudrait qu'on écrive ensemble une constitution. Depuis le temps qu'on en parle, j'aimerais savoir si déjà, est-ce qu'on a un brouillon de cette constitution ? Est-ce qu'on a réussi concrètement à mettre sur table au moins un petit extrait de cette constitution ? Moi, j'avoue avoir écrit des articles pour cette. Oui. Ah bah, ce serait bien qu'on puisse l'avoir sur une table, que chacun puisse la consulter avec un crayon peut-être, je sais pas, la modifier dans un autre livre sur le côté, qu'est-ce qu'il faudrait modifier, on laisserait l'original d'un côté et puis l'autre, enfin bon bref, et c'était pour savoir, en fait là je viens de Strasbourg, là ça fait 2 mois je suis pas venu à Nuit Debout parce que j'ai eu des problèmes, bon bref, et en fait je regarde Nuit Debout et je me dis punaise, ça a quand même perdu de la gueule quoi. Où est-ce qu'il est le feu? Enfin, il y a toujours les braises, donc c'est bien parce que c'est essentiel les braises pour faire repartir un feu, mais ce serait pour savoir en fait si maintenant c'est juste un skatepark, d'ailleurs c'est assez marrant, hein, voilà, c'est un petit peu festif, c'est bien, tant mieux, mais bon, on n'est pas dans la fête si on veut éradiquer un problème. Enfin, je parle d'un problème, voilà, on est des citoyens, on est confronté à un problème commun. Est-ce qu'on va vraiment s'y mettre? C'est ça la question en fait. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va remettre tout ce qu'il faut dans ce foyer pour remettre le feu en bonne forme? Alors juste pour te répondre rapidement, nous notre travail en fait il est visible, tout ce qui a été fait, c'est le 12e atelier en fait qu'on fait là, et donc c'est un travail qui est très long, et en fait tout est visible sur notre site internet Debout Éducation Populaire. Donc voilà, tu peux aller voir, tu peux mettre des commentaires pour, voilà, si tu as des remarques à faire, il n'y a aucun souci, nous on prend tout en compte, et puis il ne faut pas hésiter à venir. Donc il y avait quelqu'un qui voulait réagir tout à l'heure. Bonjour. Alors déjà, moi, le terme utopique, c'est pas quelque chose qui me branche énormément, parce que bon, voilà, ça fait quelque chose, penser à quelque chose qui est irréalisable, d'une part. Donc, faut être aussi ancré dans la réalité. Je pense que avant de commencer à penser à ce qui est au-dessus, puisque nous vivons dans un système très vertical au niveau des différentes hiérarchies, qu'elles soient gouvernementales. Culturel, ça commence à changer, puisque ça, il y a eu une bascule qui s'est faite dans les années 80, où effectivement le ministère de la Culture a promulgué une horizontalité de la culture, ce qui n'est pas encore le cas de la verticalité politique. Et du coup, avant peut-être d'en arriver à penser à changer la Constitution, à penser à changer ceux qui nous gouvernent, il serait peut-être d'abord temps de penser à comment nous nous intégrons la société au niveau de notre vécu, c'est-à-dire des différents conditionnements qui nous portent à vivre de la manière dont nous vivons actuellement. Et la seule façon de procéder une révolution entre guillemets, c'est plutôt de penser déjà à l'individu, c'est-à-dire qu'est-ce que l'individu en tant que graine sociale peut apporter à la société pour ensuite que la société elle-même change. Et avant de vouloir changer quelque chose qui sera forcément difficile de changer, il faut plutôt penser peut-être à se changer nous-mêmes au départ, et pas forcément à penser sur quelque chose qui va mettre 10 ans, mais peut-être quelque chose qui va mettre 20, 30 ans, à nous reformer nous-mêmes pour ensuite peut-être avant de penser à monter, parce qu'on voit que les élections en Islande, au final, effectivement, n'ont pas abouti au rêve que s'attendait le parti pirate et d'autres partis là, parce qu'il y a les conservateurs qui, effectivement, qui regardent ce qui se passe. Du coup, pourquoi ne pas penser déjà aux élections locales, aux élections de mairie? Et pensez, voilà, je suis candidat et je propose une mairie collective. Et pensez d'abord par le noyau des communes, pour ensuite, une fois que notre conditionnement s'est effacé et on se reconstruit donc sur une nouvelle vision des choses, et ben après ça va remonter. Parce qu'effectivement, bon, la politique c'est vrai, c'est vertical. Pour l'instant on n'y peut rien, mais du coup, essayer de basculer cette verticalité à l'horizontale, et prendre une forme effectivement de l'individu, de la, des fonctions de maire qui, sur les 36 000 communes, si elles sont investies par des gens qui veulent changer, automatiquement le haut sera obligé de changer. Merci. Alors, je vais tenter de répondre à quelque chose que j'ai des choses que j'ai entendues. Et alors, déjà la constitution, on y travaille depuis un certain temps. Effectivement, je vais faire 2 secondes la pub du site Debout Éducation Populaire. On a des interventions dessus qui sont sur Mixcloud, qui peuvent être utilisées, qui sont disponibles à tout le monde en fait. Donc il n'y a pas de souci et on y travaille pour ta réponse de qu'est-ce qu'on fait à Nuit Debout. Et je reprécise ici, on est vraiment à Debout Éducation Populaire. Donc c'est l'éducation populaire de Nuit Debout et c'est pas Nuit Debout, c'est une entité de Nuit Debout, mais on n'est pas Nuit Debout et on n'a pas cette prétention. La deuxième chose, c'est que le côté utopique de l'atelier, on y tient vraiment parce que le côté utopique, ça permet aux gens de se lâcher en fait. Et de pas se mettre les barrières mentales et psychologiques de oui mais c'est irréalisable. Donc on y tient vraiment, on y tient vraiment à le garder. Par contre c'est très intéressant ce côté si on change les choses au local, ça peut éventuellement faire changer les choses plus au-dessus. Et ça je trouve l'idée très très intéressante et je dis merci. Voilà en fait c'était tout ce que j'avais à dire. Que je me rappelle qu'est-ce que je voulais dire. Ouais, non, Alors je voulais répondre sur les initiatives personnelles. Déjà comment changer soi-même. Donc ça fait quelques années j'essaie d'intervenir aussi dans la ville où j'habite, à Champigny-sur-Mal dans le 94. La municipalité nous a donné la chance d'organiser des réunions de temps en temps avec les habitants. Donc à chaque fois j'y vais pour justement parler de démocratie et si on travaille les projets ensemble avec les citoyens plutôt que vous de l'autre côté ensuite nous servir des trucs qui sont assez pourris mais qu'on ne peut plus changer parce que c'est trop tard. J'essaie de prendre la parole le plus souvent possible pour en parler. Donc c'est pas forcément pour essayer de convaincre les représentants, c'est surtout pour que les gens qui viennent aux réunions prennent connaissance de ces possibilités. Après, faut être plusieurs à le faire, parce que le souci, c'est que moi, le plus souvent, c'est je suis seul à promouvoir cette idée. Comme je suis jeune, au vu de certaines personnes, je suis pas très crédible à leurs yeux. Et c'est assez compliqué parce que pour travailler les projets ensemble, s'investir en politique, faut avoir du temps. Et les personnes qui souvent ne sont pas très motivées, alors bon, c'est pas pour les cibler personnellement, mais la plupart du temps, c'est surtout les personnes âgées qui ne sont pas motivées pour vouloir changer, quoi. Bon. Après, personnellement, oui, on peut changer. C'est clair que quand on essaye de promouvoir un nouveau système, vaut mieux donner l'exemple directement. Donc récemment, je suis devenu végétarien. Pour ceux qui sont motivés, ils peuvent même devenir vegan. Allez. Voilà. Après, il suffit juste de réduire sa consommation de viande sans forcément s'en priver. Hein. Il y a des petites actions comme ça suffit. Donc voilà, j'essaie le plus possible de m'étaler sur les actions pour être de plus en plus légitime dans la promulgation de mes idées. Quoi. Voilà. Tu as tout à fait raison, je soutiens d'ailleurs. Et en fait, moi, j'étais en train de penser que tout à fait, il faut. C'est une multi-révolution dans le sens où on est obligé de prendre des initiatives pour le bien commun. On est obligé de se dire qu'aujourd'hui, la consommation, le traitement des animaux de manière industrielle, enfin complètement, enfin c'est scandaleux, mais surtout. Le fait que, enfin, voilà, ça va de pair avec une consommation surdimensionnée en fait. On est dans une industrialisation et on doit s'adapter. Mais là n'est pas le problème. On fait une multi-révolution dans le sens où on est obligé de prendre des initiatives personnelles et effectivement. Mais il y a aussi des initiatives, enfin, je veux dire communes. si on fait ça et puis on se dit oui dans 20 ans alors on aura fait ça, bah c'est très bien, je veux dire, mais en attendant il y a quand même il y a quelqu'un qui parlait de vivre sans argent, avec une autre manière, enfin le système monétaire tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas notre on n'est pas libre justement par cette chaîne monétaire, donc on n'aura pas réglé le problème, en quelque sorte au fond du problème on n'aura pas réglé le souci, vous voyez ce que je veux dire, pardon. Il se réglera pas tout de suite, c'est vrai, mais tout à fait, tout à fait. Comment nous sommes inscrits dans une socialisation qui nous amène à penser qu'effectivement la possession, l'argent est une importance vitale et cruciale, c'est ce qu'on nous montre actuellement. Donc on ne va pas pouvoir du jour au lendemain, à part faire des révolutions qui seraient des clashs de société qui pourraient être dangereuses. Donc il faut ramener, j'ai vu un film cette semaine fait par Mélanie Laurent qui s'est, demain voilà exactement, donc qui s'est baladée un peu partout. Effectivement on a vu des expériences qui se sont faites un peu partout dans le monde, dans des pays civilisés, des pays un peu moins civilisés, un peu moins favorisés, je dirais pas civilisés parce que ça c'est aussi, on peut en discuter encore, mais voilà, et des choses qui sont faites en local sur des monnaies locales qui permettent effectivement de se détacher un petit peu, puisque monnaie locale ça veut dire qu'on retrouve quelque part l'idée du troc en gros, puisque c'est une monnaie qui est définanciarisée par rapport à ce qui se passe dans la société, mais qui permet un dynamisme local, voilà, de recréer du lien. Et c'est ce qu'il faut, c'est recréer du lien. La culture, de moi où je suis, je suis du milieu culturel, et donc depuis plusieurs années, et bien avant moi, puisque tout ce qui est centres dramatiques nationaux, par Jeanne Laurent, Jean Villard, etc., ont été créés justement pour recréer du lien entre les gens, c'est-à-dire mélanger les classes sociales pour venir voir du spectacle. Et actuellement encore, dans beaucoup de CDN, il y a des actions qui sont faites dans les écoles, dans les quartiers, pour retravailler une horizontalité. Et ce dont on a besoin actuellement, c'est ça, c'est arrêter de penser effectivement que tout nous vient du vertical, mais qu'on est aussi, on a un pouvoir horizontal, c'est-à-dire de nous-mêmes de prendre position et de dire « Ok, je suis un simple citoyen, mais pourquoi pas, je vais essayer moi de me présenter à ma mairie pour les prochaines élections et me dire « Voilà, j'apporte un projet pour refonder un petit peu le lien entre habitants et pouvoir et dire bah, « Créons une mairie communautaire » avec effectivement des personnes qui seraient plusieurs sur des postes culturels, sportifs, etc., pour qu'il y ait un lien avec les habitants et qu'à partir de là, ça fasse peut-être tache d'huile ou pas, parce que là, c'est une volonté aussi de l'individu propre. C'est pour ça où je parlais tout à l'heure du conditionnement que nous subissons de la société qui nous empêche quelque part à nous émanciper. Et si j'ai à citer les travaux de Paulo Freire, par exemple, au Brésil, qui lui a travaillé énormément là-dessus, sur des paysans qui se disaient « Mais pourquoi j'apprendrais à lire ? Pourquoi j'apprendrais à compter ? Puisque on me donne à manger, j'ai un toit. » Donc du coup, il a trouvé avec eux une méthode pour les apprendre à lire, et du coup à s'émanciper, et du coup à avoir une volonté de se libérer des chaînes, donc des oppresseurs et des oppressés au final, puisqu'on est tous oppressés des uns ou oppresseurs des autres. Donc voilà, et par ce travail-là, il a réussi effectivement au Brésil à augmenter le taux de personnes sachant lire et écrire. Donc ça a créé après une révolution, parce qu'il y a eu un changement justement qui a été fait à la base. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut miser d'abord. C'est faire ce changement qui va obliger les autres à changer. On ne peut pas prendre le haut pour redescendre, parce que c'est très complexe. Mais par contre, de commencer par le bas, comme des racines qui vont se prendre un peu partout et qu'au final, ça oblige à changer la société. C'est peut-être par ce biais-là que les choses changeront, que forcément à vouloir aller là-haut, ou automatiquement, bah, y a des gens qui vont empêcher. Alors que si ça commence par le bas, automatiquement, bah, là-haut, ils vont se sentir un petit peu seuls à un moment donné. Et ils seront obligés d'aller dans le sens de la, volonté commune. Merci pour votre témoignage et si jamais vous voulez faire une intervention à Debout Éducation Populaire, n'hésitez pas à venir nous voir. Parce que bon, là il faut faire participer tout le monde, donc, mais si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas. Tiens, c'est à toi. Je rejoins ce qui vient d'être dit par rapport à la question du gouvernement, dans le sens où est-ce qu'il s'agit de changer le gouvernement par le haut ou déjà commencer par le bas ? Et je pense effectivement que moi, dans l'idéal, je voudrais, comme ça avait été dit au départ, une sorte de sortie de la personnalisation et d'aller vers des mairies en fait où il n'y aurait plus de maire, où il y aurait des assemblées populaires qui discuteraient des problématiques et qui prendraient des décisions en commun, et que l'école accompagne cela, donc qu'on apprenne dès l'école aux enfants à l'art rhétorique, savoir que l'art rhétorique est enseigné en France jusqu'en 1902 et que ça a été arrêté en 1902, et justement pour faire de la politique en démocratie, la politique ça passe par la parole, donc si vous savez pas parler, vous pouvez pas faire de politique en fait. Donc il faudrait qu'à l'école déjà on enseigne aux enfants l'art rhétorique, qu'on réapprenne aux enfants à apprendre à parler, et que précisément cet art rhétorique leur permet de se distinguer, de se mettre en valeur, et que voilà, qu'on ait des villes où il n'y ait plus de maire en fait, ou que ce soit les citoyens qui prennent les décisions en commun par l'usage de la parole, par l'écoute, un peu comme le modèle ici, quoi. Et après, effectivement, si on monte d'échelon, si on monte à l'échelle nationale, là, c'est un autre questionnement, parce que le gouvernement, c'est une question d'espace. Par exemple, la démocratie directe, aujourd'hui, ça fonctionne bien, on va dire, en Suisse. C'est Rousseau, d'ailleurs, qui est lui-même suisse, qui l'a initié. Mais dans des grandes structures, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et donc à partir de là, au niveau, si on parle de grandes structures sur le gouvernement, moi je pense que le problème principal aujourd'hui, c'est le problème de la corruption. C'est comment trouver un système dans lequel les gouvernants deviennent incorruptibles. Comment faire ? Donc pour moi personnellement, il faut déjà séparer la question de l'argent et de la politique. C'est-à-dire qu'il faut, il faudrait presque imaginer des politiciens qui ne soient pas rémunérés, dans le sens où qu'ils soient rémunérés, mais enfin. Moi, je suis partisan du tirage au sort, par exemple. Qu'on ait une sorte d'assemblée où il y aurait du tirage au sort, où les gens seraient volontaires, où, parmi les citoyens, donc ils seraient tirés au sort, et pendant leur mandat, ils continueraient à toucher le salaire qu'ils touchaient quand ils étaient salariés. Et puis quand ils ont fini leur mandat, ils retournent à la vie civile, et d'interdire, bien sûr, les lobbies, etc., etc. Donc voilà. Merci. Bon, bah apparemment, t'as tout dit. Ouais, alors, une nouvelle fois, en fait, je suis complètement d'accord avec ce qui se dit. Je vous invite encore une nouvelle fois, parce que tout ce qui est éducation, en fait, on en a parlé ici. Il y a déjà quelques ateliers avant, effectivement, de la base et de comment on refonctionne ensemble dans cette société. Et ça, on a eu des débats là-dessus et des échanges très donc je vous renvoie encore à notre site internet et à nos interventions qui sont enregistrées. Et en fait, moi, ce que je suis en train de me dire quand je vous écoute, c'est que du coup, faudrait interdire la professionnalisation de la politique, en fait. Faudrait plus qu'il y ait de professionnels de la politique. Enfin, moi, c'est ce que je comprends des échanges qu'on a. Et donc, effectivement, cette notion, oui, de la politique et l'école, c'est très intéressant, parce que justement ça, on n'en avait pas parlé quand on avait parlé d'éducation, on avait parlé de s'exprimer autrement, etc., d'enlever les notes, etc., etc., mais on n'avait pas parlé de politique à ce moment-là. Jusqu'à présent, là, la parole est libre, hein, mais on parle de gouvernement au niveau national, mais actuellement, on a des gouvernements qui sont au-dessus. On a l'Union européenne, on a des différents, le G20, le machin, le truc là, tous ces machins là, on sait pas trop, enfin si on sait ce qu'ils font et ce qu'ils font pas surtout. Et en tout cas, moi ça me paraît être complètement, enfin c'est débile ce que je vais dire, mais en gros tout ça faudrait, dans une société idéale, pour moi faut l'arrêter, quoi. Tous ces espèces de groupes là, de gros puissants, voilà, faut dire stop à tout ça. Et après, par contre, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait. Et on avait aussi un petit peu le débat dans quand on avait dit sur le partage des ressources, on avait dit que bah, y a des pays, par exemple, qui ont de l'eau, il y en a qui en ont pas, etc. Bah, là, c'est un petit peu pareil. C'est comment on ferait pour construire bah, avec les petits copains qui sont à côté et pour bien s'entendre. Si effectivement, on se débarrasse de ces de l'Union européenne ou de ces du G20 ou de je ne sais quoi, ou, avec les Amériques, Canada et Amérique du Sud. Voilà. Ouais, bonjour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun non dit, la plupart des interventions, c'est le besoin d'agir au niveau local. Hein, ça ressort hein, plus ou moins de toutes les interventions, c'est intéressant. Bon, alors, il y a des actions qui sont... Toi, tout à l'heure, tu disais que c'était trop individuel, que tu étais un peu seul. Bon, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est d'agir en association, en groupe. Hein, ça peut prendre une autre forme que l'association, mais au niveau local, c'est très intéressant d'être en assos parce qu'on devient un interlocuteur pour la municipalité, par exemple. Il y a autre chose que je voudrais dire. Moi, j'habite Villeparisis, en Seine-et-Marne, tout près de la Seine-Saint-Denis, là, et on est en train de faire bouger certaines choses, simplement un petit assaut sur la vie quotidienne, avec une mairie qui, a priori, n'avait pas d'intérêt particulier pour ce qu'on aimerait faire. Il y a un autre point que je voudrais aborder, c'est notre attitude profonde vis-à-vis des institutions. Je crois que... On est un certain nombre à se rendre compte qu'on vit dans une sorte de monarchie, hein, et ça se traduit parfois par la peur de discuter de parler d'égal à égal avec les élus. Ben, les élus, c'est nous qui les mettons en place, même si on a voté contre dans certains cas. Donc un député, un conseiller départemental, on dit maintenant, ou régional, eh ben, on parle avec lui, on discute normalement. Voilà, c'est l'échange entre citoyens. Donc il faut changer notre rapport, qui est hérité de la monarchie, je pense, avec les élus. Je voulais encore... un dernier point, c'est les médias. On a un très gros problème avec les médias qui occupent leur temps à parler de choses plus ou moins intéressantes, qui effacent des tas d'initiatives positives en parlant sans arrêt de choses totalement inintéressantes, des débats politiques, des duels politiques, voilà, qui effacent totalement certains candidats. Et certaines propositions surtout. Donc les médias, il faut les marquer à la culotte et il faut intervenir sur les grands médias parce qu'ils existent, ils ont une influence qui est énorme, c'est le quatrième pouvoir. Il faut intervenir dans les médias de façon opportune, correcte pour obtenir la parole déjà. Donc faut leur écrire souvent et voilà, il faut pas accepter que les médias participent au spectacle politique qu'on voit, qui est lamentable et qui est tout à fait à l'opposé de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui place de la République. Merci. Bah, pour avoir des bonnes informations sur les médias, hier l'équipe de Nuit Debout a diffusé le film Les Nouveaux Chiens de Garde de Serge Halimi. Et voilà, c'est très intéressant. Et apparemment, ils feront ça maintenant le samedi soir, des diffusions de documentaires et de films politiques. Donc, point technique, apparemment. Juste une petite chose. Donc, on est en train de parler du gouvernement, mais moi, ça me fait sourire. Est-ce que vous êtes rendu compte que c'est pas le gouvernement qui décide, ce sont les multinationales, entre GAFA. Et n'oubliez pas ce qui s'est passé avec Apple, l'Irlande. Qui c'est qui a gagné? C'est pas l'Irlande, c'est Apple. Tu veux, il veut juste te répondre apparemment. C'était juste pour apporter une petite correction. Hein. Le film Les Nouveaux Chiens de Garde n'est pas de Serge Halimi, mais il est tiré du livre de Serge Halimi. Donc c'est deux personnes qui ont fait le documentaire en s'inspirant du livre de Serge Halimi. Voilà. C'était juste faire une petite correction. Merci pour la correction. Du coup, c'est pour rebondir à ce que vous disiez effectivement sur la politique et rebondir aussi sur tout ce qui est G20 et compagnie, etc. Moi, je parle toujours, alors je ne veux pas politiser et partir encore sur... parce que pour l'instant, partir sur du G20, de l'Europe, etc., c'est déjà rentrer de nouveau dans un processus politique. Alors que le premier processus à faire, de mon point de vue, c'est effectivement faire émerger le local, et je suis tout à fait d'accord avec vous en disant qu'il faut réintégrer le processus d'émancipation à l'école pour apporter non pas une éducation qui soit un outil permettant au fonctionnement de notre société, mais une éducation qui permette effectivement à faire des individus qui soient susceptibles de penser, réfléchir. Parce que actuellement, nous sommes dans je compare la société en fin de compte à un être vivant. C'est-à-dire que nous avons construit la société au départ pour qu'elle nous serve. La société ayant tellement grossi, nous sommes devenus maintenant des processus intégrés à notre propre construction qui fait que nous sommes les propres rouages d'un élément que nous avions inventé pour vivre en commun. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, savoir retrouver notre processus de possession de la société. Puisque nous sommes créateurs de la société, nous sommes créateurs du commun, et donc il n'y a aucune raison que, en tant que créateurs, nous nous retrouvons dépossédés de notre création. Voilà. Et d'autre part, concernant le processus électoral, effectivement, il est antidémocratique dans le sens où on ne peut pas se présenter, n'importe qui ne peut pas se présenter, parce que, quoi qu'il en soit, il faut du budget. Donc déjà, si on pouvait pousser nos gouvernements à mettre un budget global et le même pour chaque candidat, on entrerait déjà dans un petit processus d'un vrai rapport démocratique. De dire que c'est l'État qui alloue des enveloppes à chaque candidat, les mêmes, et chacun se débrouille ensuite avec, et ça permet à n'importe qui, en tant que citoyen, de se dire « Eh ben moi aussi, je désire me présenter, d'avoir mon enveloppe. » Donc, bien sûr, de présenter un projet, parce que dans ce cas-là, effectivement, tout le monde désirait se présenter pour avoir cette manne financière. Mais voilà, qui sera validé par un processus démocratique pour dire, OK, on donne à cette personne, à ce citoyen, la possibilité de se présenter parce que tout le monde est égal. Et actuellement, le processus démocratique n'est pas égal, puisque selon la fortune des partis, vous aurez plus de paroles dans les médias, etc. Voilà. Alors, juste, Je me permets de rappeler, en fait, là, on est à Debout Éducation Populaire. C'est le 12e atelier « Quelle société veut-on ? » Et aujourd'hui, le thème, c'est le gouvernement. Donc, en fait, voilà, vous pouvez prendre la parole, vous levez la main comme ça, et on prend des tours de parole, et vous dites quel serait, selon vous, un gouvernement dans une société idéale. Voilà. Alors, moi, j'aimerais vous dire, c'est peut-être une bonne idée de commencer, ce que vous êtes en train de faire, par en dessous, d'aller faire de s'occuper d'abord au local et puis après. Mais en fait, au final, il faut pas perdre de tête, de vision que on a quand même des gens qui prennent des décisions et ça affecte l'ensemble directement. Donc, vous pouvez prendre le pouvoir localement. Eux, quand ils prennent une décision, elle s'applique sur toute la France et tous les Français la subissent. Donc, c'est bien, c'est une bonne initiative, ça veut dire que les citoyens se réveillent et prennent conscience de leurs devoirs, mais il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est que c'est eux qui tiennent la clé de voûte, quoi. Donc c'est à nous de... Et voilà, et alors dans ce sens, la question qui me vient, c'est est-ce qu'on remet le couvert, là, en 2017, avec des gens qui se proposent aux élections présidentielles et qui n'ont aucune légitimité, qui ne se traînent même plus des casseroles, mais des marmites derrière. C'est des gens qui se présentent et qui n'ont pas le monopole de d'autorité et même de prétendre à ce titre. Donc, est-ce qu'on va mettre en place quelque chose à la place de cette... J'ai oublié le mot. Désolé. Et juste pour te répondre comme ça directement, à titre personnel, bien évidemment, je pense que oui, il y a des gens au-dessus de nous qui prennent des décisions qui nous impactent, Mais le truc, c'est que en France, si ça fonctionne comme ça, c'est que la plupart des gens l'acceptent en fait. Si 60 millions des gens n'acceptaient pas et ne voulaient pas ça, ça se passerait pas comme ça. Il y a des le système est fait de telle manière que voilà, les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent faire des choses. Nous, on est là justement pour montrer aux gens que chacun est capable d'agir. Et le témoignage de monsieur tout à l'heure, c'est très intéressant. Son témoignage aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Je laisse la parole. Et... Oui, c'est... Moi, je vais essayer d'être clair. Pas comme d'habitude. Je voulais dire que déjà dans un couple, c'est difficile de se mettre d'accord. Alors pour 60 millions de personnes, je ne sais pas si on peut simplement arriver à penser quelque chose qui va nous mettre d'accord. Et surtout que quelqu'un qui parlait de, on est gouverné en fait pas par les politiciens mais par les multinationales. Et moi je dirais même maintenant de plus en plus on est gouverné par des logarithmes. Donc, et c'est difficile de faire la révolution contre un logarithme. Et ce qui se passe, c'est que justement, comme il n'y a plus besoin de politiciens pour gouverner, ça devient à l'américaine le grand spectacle, la trumpisation. C'est-à-dire, c'est celui qui occupe l'espace publicitaire, l'espace médiatique, qui va gagner. Parce que Trump, au départ, il était personne, enfin, il était un tout petit candidat de rien du tout, mais on en parle comme il était super excessif, menteur, scandaleux, etc. Tout le monde a parlé de lui. Et le résultat, c'est que les Américains ont voté pour lui. Et bon, je ne sais pas si Hillary sera mieux, mais c'est un peu la même chose comme ça s'est passé aux États-Unis, ça va se passer en France. Et d'une certaine manière, il y a déjà un Sarkozy qui dit, raconte n'importe quoi pourvu qu'on parle de lui. C'est difficile, même en partant de la base. D'aller contre ça, mais c'est comme ça a été un peu dit d'une certaine manière, c'est en partant de la base, mais pas seulement par les mairies, la conquête des mairies, etc., mais surtout par les achats. C'est-à-dire le vrai bulletin de vote, c'est l'argent. Un billet de 10 euros, c'est un bulletin de vote. Un billet de 20, encore plus, qui vaut encore plus. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Commencer à voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel. Déjà la nourriture et la santé, qu'on paye énormément, qu'on paye très très cher pour se faire empoisonner. Et si on arrivait déjà à changer ça, le reste serait très simple. Parce que par exemple, ces hommes qui nous gouvernent, on va dire, entre parenthèses, ils sont actuellement intouchables. Comme on voit Servier, par exemple, qui a tué au moins 5000 personnes, probablement 50 000, mais il n'a jamais été en prison. Il n'a passé pas une journée en prison. Si quelqu'un va voler une mobilette, le jour même, il est en prison. Et il ne sait pas pour combien de temps. Donc c'est difficile d'aller contre ça, de se mettre d'accord, surtout contre ce genre de choses. Et je crois que de voir l'argent comme un bulletin de vote... C'est l'arme la plus puissante qu'on ait dans une société où il n'y a que l'argent qui compte. Du coup, là, il y a des tours de parole, donc c'est à toi et ensuite à toi. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez quelque chose à dire. Le thème, c'est le gouvernement. Quel gouvernement vous voulez dans une société idéale? Merci. Alors, le mot que je cherchais, c'était imposture. Désolé d'avoir... mis du temps à le trouver. Voilà, donc l'imposture des prétendants à l'élection présidentielle. Hein. Et je voudrais rebondir simplement sur ce que vous avez dit, qui justifiait en quelque sorte le fait qu'il y ait des gens illégitimes au pouvoir en ce moment, en disant que les gens votent et y croient, donc c'est normal. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément normal. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui paraît, qu'on fait depuis des siècles, qu'on se dit, voilà, c'est normal, non? Enfin, pour moi, ce n'est pas pour vous non plus. Sinon, vous ne seriez pas là en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, ceux qui gouvernent, parce que pour moi, pour ma part, je ne me sens pas, ceux qui gouvernent. Déjà, il y a une distance. Sont évidemment grappis le gouvernail et sont et sont tirés de toutes parts par des lobbies, des industriels, des intérêts banquiers et tout ça. Mais c'est même plus, c'est tellement évident. Enfin, et voilà. Et ils sont, le pire, c'est qu'ils sont organisés. Donc il ne faut pas se dire, on est gentil là, on est en train d'en parler tranquillement. Mais au bout du compte, il y a quand même des gens qui pensent à essayer de mettre des bâtons dans les roues à ce qu'on essaie de créer aussi, puisque finalement on est en train de gêner leurs intérêts, on est en train de gêner voilà, il faut pas oublier qu'ils y sont organisés, donc il faut qu'on s'organise mieux que leur organisation, leur crime organisé. Ce sont des criminels en fait, hein, quand même. Ah oui, et pardon, excusez-moi, une dernière chose. Justement à ce propos, j'ai vu que moi, si je suis venu de Strasbourg aujourd'hui là, il fait beau, c'est super. Je suis venu de Strasbourg parce que j'ai vu que les policiers s'étaient mêlés un petit peu à la révolte populaire. Donc ils se sont joints à Nuit Debout. Bon, alors je sais. Alors moi, en revanche, j'ai parlé. Alors la première personne à qui j'ai parlé à Nuit Debout ici a commencé à s'offusquer parce que je lui ai dit mais est-ce que vous avez parlé avec eux? Ah, moi je parle pas avec eux. Ouais, mais attendez, là, vous proposez la démocratie, vous vous offusquez de cette manière. Je veux dire, gardons la raison et laissons l'émotion un petit peu de côté. Alors voilà, moi ce que j'aimerais savoir, c'est la démocratie, c'est quoi? C'est quand même l'échange. Donc si on veut mettre une démocratie en place où le peuple parle, échange ses opinions, il faut quand même savoir garder son calme. Et ensuite, là il y a une opportunité. C'est laquelle? C'est qu'il y a un point d'appui, c'est la police qui vient soutenir. Alors évidemment, ils ont leurs intérêts, évidemment, on est en conflit avec eux parce qu'évidemment, ils ont fait des choses qui nous ont déplu et qui sont blâmables. Et que tout le monde ici, si vous avez fait des manifs comme moi, voilà, on a subi les sévices de la police. Donc en fait, ce soir, ce qu'il faudrait, c'est écouter leurs demandes, savoir si on est tous contre eux, ou si on peut se servir de cette force qui vient se joindre à nous, parce que quand même, ce sont des gens qui... Il y a quand même des citoyens dans le tas, il n'y a pas que des personnes mauvaises qui veulent notre mal et qui veulent simplement faire la justice. Et évidemment, hein, je vous en faites pas, j'ai vécu comme vous, j'ai vu des injustices de la part de la police, mais il n'y a pas que des injustes dans la police. Donc, il faut savoir si on va se servir de cette force quand même, parce que c'est quand même un bras tendu. Évidemment, il peut y avoir des récupérations, il faut pas l'oublier, récupération en gros, bon, d'accord, ok, récupération. Essayons de contourner, soyons plus malins que cette récupération, essayons de créer quelque chose pour se servir de la force. Est-ce qu'on peut le faire? Voilà, moi ma question, voilà, c'est est-ce qu'on peut le faire? C'est vraiment juste pour répondre sur le sujet, puis en plus, du coup, c'est pas trop sur l'atelier, mais... Comme en fait, j'ai rencontré la police parce qu'ils sont venus manifester ici. Enfin, on est plusieurs à avoir été leur parler, mais juste pour corriger en fait, parce que tu dis ils viennent vers nous. Enfin, pas du tout. Hein. C'est plutôt nous qui devons aller vers eux, mais eux n'ont pas du tout l'intention de venir vers nous. Hein. Et ils sont pas du tout liés à la révolte populaire. Hein. Donc, juste pour corriger ça, ils manifestent de leur côté. Après, ils nous ont pas forcément cherché des ennuis, mais ils en ont trouvé assez facilement. Donc, forcément, voilà. Et ils sont venus, voilà. Mais c'est tout. Après, donc de là à dire qu'on peut se lier et en ayant discuté avec eux, effectivement, il y en a, on peut dialoguer, mais après, dans les idées de fond, on est vraiment très loin de Nuit Debout. Et du coup, ça va être compliqué, je pense, de se lier. Mais je suis pour le dialogue, etc., avec eux quand même, hein, carrément. Juste, je te fais une petite réponse directe aussi, là. Donc à propos de la Constitution, tout à l'heure, il y a déjà eu hein, sur la place des gens qui ont fait plein de choses, hein, une commission, et commission citoyen, etc., ou des gens qui ont travaillé sur la Constitution. Hein. Donc après, tu tapes Wiki debout et tu verras. Hein, et à propos de la police, c'est pareil, comme ils étaient à côté, voilà, il y a des gens de l'éducation populaire qui ont été discutés avec eux. Leurs revendications, elles sont assez simples. Hein. Ils veulent des moyens plus dissuasifs, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui fait une bêtise, c'est la police hein, qui dit ça, ils veulent des moyens plus dissuasifs, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir, quand quelqu'un est ils arrêtent, ils veulent pas le revoir en prison le jour même, quoi, tu vois, voilà, donc c'est ça, ils veulent des moyens plus dissuasifs, quoi, et ils veulent plus de matériel, des voitures plus puissantes, etc., donc ce qu'on a entendu un peu dans les médias, des armes, etc., enfin bon, voilà. Et donc, ok, ouais, les moyens dissuasifs, ouais, pourquoi pas, mais enfin bon, c'est vrai qu'aussi, il y a la délinquance, par exemple, dans nos cités, il suffit de voir, dans les années 70, il y en avait beaucoup moins, pourquoi? Parce qu'on était en période de plein emploi, tout simplement, donc voilà, il y a, il y a aussi des facteurs qui sont quand même, et comme disait Victor Hugo aussi, quand on ouvre une école, on ferme une prison, hein, c'est pareil, il y a tout un problème éducatif aussi, voilà quoi. Donc, et c'est clair qu'en ce moment, c'est vrai, il suffit de regarder comment ça se passe, hein, la délinquance, etc. Donc, c'est vrai que s'il y a du travail, et ben déjà, il y a moins de délinquance, hein, c'est tout simple, hein, il y a des choses comme ça qui sont toutes simples. Voilà, ouvrons des écoles, on fermera des prisons, voilà quoi, ce que je voulais dire sur la question pour répondre rapidement. Merci. Et du coup, je vais juste recentrer en fait, parce que là, on va s'éparpiller. Je suis désolé, mais il vaut mieux qu'on continue. Donc, le thème aujourd'hui, c'est le gouvernement. Donc, on est sur l'atelier du pop. Quelle société veut-on ? Et donc voilà, on part dans. Il faut avoir des idées utopiques, les idées qu'on peut avoir d'une société idéale. Qu'est-ce qu'on voudrait comme gouvernement ? De quoi on a besoin ? Qu'est-ce qu'on veut changer ? Mais n'hésitez pas à dire des choses, voilà, hein. On part loin. Ouais, alors je pense effectivement que, en fait, la question du gouvernement dépend en fait de la population. Il y a un dicton qui dit « chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite ». Et en ce sens-là, je pense que la problématique aujourd'hui de l'injustice, c'est que c'est une question de conscience populaire, en fait. Je prends l'exemple des Panama en Irlande, ou en Islande plutôt. Je crois que le Premier ministre a dû démissionner, parce que dès qu'il y a eu les révélations sur le Panama, il y a immédiatement eu des mobilisations populaires tout à fait pacifiques, mais qui étaient tellement massives que la personne incriminée a dû démissionner. Alors que dans d'autres pays, il y a eu des personnes politiques éminentes qui étaient impliquées, mais qui n'ont pas démissionné, parce que précisément, il n'y a pas de conscience politique suffisamment mature au niveau de la population pour que justement donc le problème il est, pour moi il est principalement à ce niveau là c'est à dire que si l'école fait le travail de conscientisation de la population sur la question du politique, à ce moment là il ne pourra plus y avoir disons d'impunité, parce que dès qu'il y aura la moindre impunité, immédiatement il y aura des mobilisations populaires qui réclameront immédiatement des sanctions. Alors, je voulais simplement ajouter aussi par rapport à la question de la parole politique, c'est par rapport aux mots qui sont utilisés. Ce que j'ai remarqué, enfin moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est le langage politique en fait. C'est quand on dit par exemple, je défends l'intérêt général. Mais l'intérêt général, en fait, c'est un concept qui est très. Ça, on peut dire tout et n'importe quoi quand on dit intérêt général. Par exemple, quand on dit, par exemple, on parle de république ou des mots comme ça qui sont des mots des généralités. Et en fait, quand des fois, j'entends des débats politiques. Mais c'est que des concepts métaphysiques. Donc, faudrait imaginer en fait une formalisation du discours politique qui soit compréhensible à tout le monde et que tout le monde comprenne clairement à chaque fois de quoi on parle. Voilà, ça, je pense que ce serait vraiment en termes d'information et d'échange très important pour que justement on arrête de se faire entre guillemets balader par des discours. Juste une petite réponse à ce que tu viens de dire. En Islande, c'est vrai que c'est intéressant ce qui s'est passé, y compris quand il y a eu la crise des subprimes. Hein, le gouvernement a été foutu en l'air, les banques ont été coulées et seul le roi a soutenu le peuple contre les banquiers et les ministres corrompus. Bon, c'est un peu plus facile en Islande parce qu'ils sont 300 et quelques mille habitants seulement. Nous, on est, je sais plus, 67 ou 68 millions. C'est un peu plus dur, mais il faut qu'on essaye de faire la même chose. Par rapport aux campagnes électorales, là encore, on se fait piéger par les médias. Aux États-Unis, il n'y a pas deux candidats. On nous enfume complètement et on occupe à la télé tout le énormément de temps d'antenne. Il y a quatre candidats. Donc il y a Gary Johnson qui est un libertarien, donc je vous le recommande pas trop, mais bon, c'est un candidat. Et il y a aussi Jill Stein qui est une candidate écolo. Et il y a 15 jours, j'ai participé à la manif contre le CETA qui est partie de Stalingrad. Et j'ai discuté avec une conseillère régionale que je connais en Seine-et-Marne. On discutait avec un militant écolo, mais qui est encarté, hein, il est Europe Écologie. Il savait pas qu'il y avait une candidate aux États-Unis, une candidate écolo aux États-Unis, qui, paraît-il, aurait 9% d'espoir de vote. Donc, on se fait enfumer et on a bien raison et on doit le faire encore plus, visiblement. On doit s'informer par d'autres moyens que les grands médias. Il faut piocher et il faut intervenir quand il y a des énormités. Bon, moi sur ce point-là, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui font pas leur boulot, et je vais écrire d'ici quelques jours aux médiateurs de Radio France pour protester contre ce fait. Même les radios d'État nous disent qu'il y a deux candidats aux États-Unis. Ils disent vraiment les deux candidats. C'est pas qu'ils oublient un peu les autres, c'est qu'ils présentent le système parce qu'il n'y en avait que deux. Donc, comme Trump est vraiment quelqu'un de pas recommandable, on doit tous aller vers Clinton. Et moi, Clinton, ça ne va pas du tout. Pour des raisons que vous imaginez. Dernier point. Pareil, il y a 15 jours, la fin de manif contre le CETA, c'était ici, place de la République. Il y a un militant belge wallon qui a parlé, qui espérait bien ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le Parlement wallon a bloqué un moment la signature du CETA. On voit comment dans pas mal de médias ce Parlement wallon a été stigmatisé. Oh, les vilains, ils veulent pas voter, ils bloquent tout, ils prennent en otage, j'ai même entendu, ils nous prennent en otage. Mais je suis désolé, il y a encore tous les parlements de l'Union européenne qui n'ont pas validé ces décisions qui sont prises là-haut à la commission totalement corrompue avec Monsieur Juncker. Et il nous reste une arme de terrain, c'est le boycott. Le boycott, c'est l'arme des citoyens, c'est une arme non violente. On peut énormément de choses, il suffit de s'organiser comme d'autres savent s'organiser. En France, on est un petit peu en déficit, il me semble, mais les anglo-saxons sont un peu meilleurs que nous. Prenons exemple sur les anglo-saxons, il faut organiser le boycott si on nous impose le CETA et le TAFTA, qui sont des horreurs. Ils veulent maîtriser tous les processus d'organisation, de réglementation. Voilà. Merci. Du coup, je relance. Donc là, c'est l'atelier du Pop. Quelle société veut-on ? Et le thème du jour, c'est le gouvernement. Donc voilà, tout le monde peut participer, tout le monde peut dire ce qu'il veut par rapport au gouvernement, bien évidemment, parce que sinon, on n'a pas fini. Et voilà, n'hésitez pas à vous lever la main, vous prenez un tour de parole et ça tourne. Oui, donc effectivement, pour le candidat écolo, juste en 3 secondes, il y avait un très bel article dans le magazine Society qui présentait cette candidate écolo, et j'étais moi-même étonné, effectivement, qu'elle soit présente, puisqu'on a l'impression que c'est plutôt du bipartisme. Donc je suis d'accord avec toi. Sur là, pareil, j'essaye un petit peu de synthétiser, parce qu'en fait, je prends des notes en même temps que vous parlez, et je me dis, en fait... Le lien entre les grands patrons, comme on l'a pu le voir dans le film hier soir samedi, entre les médias, etc., c'est un lien et c'est une connivence qui existe depuis très très longtemps. Et je me dis, alors peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'à un moment donné, la base, ça n'a pas été dans toutes ces grandes écoles où en fait, ils se croisent, ces gens-là, où ils sont parfois de la même promotion, ou alors c'est leur père, ou alors c'est leur mère, ou je ne sais quoi. Et finalement, on se retrouve, et le film hier le décrivait très très bien, avec des politiques qui sortaient avec des journalistes, avec des sociétés, je sais pas, secrètes, je sais pas où, avec les grands patrons de presse, des journalistes, des anciens ministres, etc. Et c'est très, vraiment très très intéressant, ce film. Et je me dis, est-ce que tout ça, en fait, ça vient pas effectivement de ces grandes écoles, ou même avant, je sais pas ce qu'il y avait avant l'ENA, etc., etc. Donc est-ce que dans cette société idéale, et j'en reviens toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, et à la non-professionnalisation, d'ailleurs j'ai du mal à le dire, de la vie politique, il faudrait arrêter ces espèces de connivences et revenir à des choses, mais encore une fois, beaucoup plus saines. Alors je prêche pour ma paroisse en parlant d'éducation populaire, mais pour moi, voilà, c'est vraiment de l'éducation populaire et ce qu'on fait là actuellement, mais qu'il faut généraliser un maximum pour ouvrir les yeux à de plus en plus de monde, et que justement, que ces initiatives locales qu'il peut y avoir à droite à gauche et qu'on connaît et qu'on souhaite se développer, se fassent de plus grand nombre. On le dit, et je le dis souvent, moi j'aimerais bien qu'il y ait une grosse ZAD à Paris en Ile-de-France, c'est un vœu pieux, et pour y arriver, ça va être du boulot, malheureusement. Et pour moi, 2017, c'est déjà trop tard. Juste, c'est pas une société secrète, c'est le dîner du siècle. Hein. C'est pas du tout secret. Hein. Ouais, je voulais dire ça aussi, ouais, que c'est pas une société secrète. Ouais, c'est le dîner du siècle, c'est sur la place de la Concorde. Hein, c'est là où se retrouvent tous les patrons, journalistes et grands patrons, journalistes et politiques. Voilà. Moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit un peu aussi là. Donc, à propos des médias. à propos des médias, donc qui seraient, les médias, ils sont pas au service du peuple, quoi. C'est un peu normal, hein, que les médias ils nous disent pas tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils devraient dire. Parce que les médias, c'est pareil. Qui c'est qui détient les grands médias? C'est Bolloré, Bouygues, Arnaud, Pinault, Lagardère, Dassault, voilà, enfin, des vendeurs d'armes, des gens qui n'ont pas intérêt spécialement à ce que le peuple soit éclairé. Et c'est les mêmes qui choisissent nos politiques, hein, c'est pareil. Hein. C'est eux qui financent les partis politiques et c'est eux qui décident de qui va passer dans les médias ou pas. Donc faut pas s'attendre à voilà, c'est pas des gens qui sont au service du peuple, non, voilà, ils décident de qui va être élu ou pas, quoi, en gros, hein, c'est eux qui décident, c'est pas le peuple qui choisit les gens pour qui ils votent, hein. C'est ces gens-là, ces personnes-là, ces multinationales, ces banquiers, etc., hein, ceux qui tiennent les médias. J'avais oublié aussi Rothschild, qui détient Libération, par exemple, etc., etc. Donc voilà, faut pas s'attendre non plus. Et c'est pareil, vous avez parlé du CETA et du TAFTA, hein, qui sont des accords dits de libre-échange. Hein. Je rappelle que les échanges sont jamais libres. Hein. Le mythe de la concurrence libre et non faussée, ça n'existe pas. Hein. C'est les gros qui mangent les petits, hein, c'est tout. Hein. C'est le renard est libre dans le poulailler. Hein. C'est clair, hein, quand on a par exemple en France 5 centrales d'achat qui détiennent 90% du commerce en France... Il n'y a pas de, hein, y a pas de concurrence. Hein. Ils ont bouffé tous les petits commerces. Hein. C'est réglé. Hein. Il y a longtemps que c'est réglé. Hein. C'est inédit d'ailleurs, hein, dans le monde. Hein. En France, on a vraiment un truc assez balèze, quoi, au niveau des centrales d'achat. Enfin voilà, faut pas s'étonner. Et donc c'est pareil, l'Union européenne, elle n'a pas été voulue par le peuple. Hein. Ça n'a jamais été voté par le peuple. Hein. Il n'y a jamais eu de référendum pour dire est-ce que vous voulez être dans l'Union européenne ou pas. Ça n'a jamais existé. Hein. On a eu juste un référendum pour le traité de Maastricht pour savoir si on voulait être dans l'euro ou pas. Voilà. Et non, pas pour le traité de Maastricht, c'est après. C'est en 2005 où on a dit non et on nous l'a quand même remis de force avec le traité de Lisbonne, hein, c'était le fameux traité européen. Donc voilà, c'est pareil, quoi. L'Union européenne, ça n'a rien de démocratique, hein, c'est pareil qui est derrière, hein, faut se poser des questions, quoi. Donc après, faut pas se demander pourquoi il y a des TAFTA, des CETA, etc. Je rappelle que c'est pareil, la Commission européenne, c'est elle qui décide, hein. Voilà, si on veut parler de gouvernement, quel gouvernement veut-on? Bah déjà, un gouvernement qui ne soit pas dans une Union européenne où il y a une commission qui décide de faire les lois. Une commission avec des gens qui ont été élus par personne. Hein. La Commission européenne, c'est des gens qui ont été élus par personne. Voilà. On a des gens qui sont à la BCE. La BCE, par exemple, la Banque européenne, hein, la BCE, hein, c'est pareil, c'est une banque qui est indépendante. On a des gens de la Goldman, on a la personne qui est à la tête de la Banque européenne en ce moment, c'est une personne qui était à la Goldman Sachs avant. Hein. Je rappelle quand même des trucs simples, hein, la Goldman Sachs. Oui, la Goldman Sachs, donc voilà. Donc après, faut pas s'étonner. Pareil, le président de la Commission européenne en ce moment, il s'appelle Monsieur Jean-Claude Juncker. Monsieur Jean-Claude Juncker, c'était avant un président d'un paradis fiscal, comme par hasard. Hein. Les paradis fiscaux, je rappelle ce que c'est, c'est pour laver l'argent sale. C'est là que se retrouvent les politiciens véreux, les vendeurs d'armes, les vendeurs de drogue. C'est là que tout l'argent est recyclé. Hein. Ça sert à ça, hein, les paradis fiscaux. Hein. Voilà. Donc voilà, moi je propose un gouvernement où il n'y a plus de paradis fiscal. Hein, si on voulait un vrai gouvernement, voilà, il faudrait supprimer tous les paradis fiscaux, c'est simple. Hein, parce que les paradis fiscaux, c'est un gros problème. Donc quel gouvernement voulons-nous? Un gouvernement où il n'y aurait plus de paradis fiscaux. Un gouvernement où c'est le peuple qui choisirait ses candidats. Et non pas des puissances financières, ou des banques, ou des multinationales. Voilà, ce que un exécutif qui exécuterait la volonté du peuple, qui n'exécuterait pas la volonté de multinationales ou de banques. Voilà, de quel gouvernement on voudrait. Hein. Voilà, bon, je pourrais parler plus longuement, mais bon, je vais laisser la parole à mes collègues citoyens de Nuit Debout et autres. Merci. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit, et sur ce qu'a dit de manière générale tout le monde, moi je pense qu'il faut arrêter d'être pessimiste, là, 2017 c'est foutu, non mais attendez, rien ne sert de courir, il faut partir à point, il semble que nous on est parti depuis longtemps, hein, et qu'on a fait le travail en souterrain avec tous les citoyens qui ont envie de changer les choses. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse rien faire cette année et qu'on se recoltine encore à un espèce de, je passe le terme, pendant 5 ans, un quinquennat d'une personne qu'on n'aurait pas voulu et que finalement, voilà, il faut qu'on arrête de croire qu'on est obligé de choisir entre la peste et le choléra. Je veux dire, à un moment, la peste et le choléra. Donc, on prend pas. Voilà, c'est tout, point à la ligne. Enfin, moi, je sais pas. Voilà, bon, ça, c'était pour éclaircir ce point. Ça, c'est mon point de vue. Après, ça n'engage que moi. C'était par rapport aussi à la manifestation des policiers. Ils sont venus sur la place de la République, donc je me suis dit qu'intentionnellement, peut-être qu'ils avaient envie de se joindre à Nuit Debout. Mais ça, c'est... Moi, je suis venu sans a priori, je suis venu de Strasbourg. Oui ? C'est pas quoi ? Ils n'avaient pas envie de se joindre, donc ils sont venus... Enfin, pour quelle raison ? Alors là, on va tirer les choses au clair ce soir. Voilà. Hein ? Ouais, ah d'accord, ok. Bon, moi, sans a priori, parce que j'ai vu dans les vidéos, ils scandaient des slogans du type « franc-maçon en prison » ou « case 9, t'es foutu », »,« les flics sont dans la rue », ou bien encore « c'était quoi ?» Voilà, mais j'ai jamais entendu... Enfin, après, c'est peut-être ça a été coupé au montage. J'ai pas entendu de je sais pas comment ça s'appelle, la loi là pour mettre pour une espèce de je sais pas, ils voulaient avoir des pistolets sur eux pour tirer en manif, j'ai entendu ça, ou des trucs absolument invraisemblables dont tout le monde, personne ne voudrait ça. Enfin, moi, je suis en manifestation, j'ai pas envie de me faire tirer dessus, personne n'a envie de se faire tirer dessus, ça, de toute façon. Moi, je voyais simplement l'aspect levier avec la police, dans le sens où il y en a qui sont bien intentionnés, voilà, on va se servir de cette portion qui n'est pas récupérée, on va se servir de l'espace qui est disponible pour rejoindre la cause commune, hein, et défendre le pays voilà. Donc moi, c'était une intention, quoi. Voilà, j'ai terminé... Écoute, je te conseille d'aller les voir ce soir et tu te feras une idée toi-même, tu verras. À mon avis, tu ne seras pas déçu. Bonjour tout le monde. Alors, je suis une des rares femmes à s'exprimer au micro, donc je voudrais encourager toutes les autres femmes aussi à prendre la parole, puisque si elles ne prennent pas la parole ici, elles ne la prendront pas ailleurs. Et ça commence à un petit niveau. Hein. Merci madame. Je me présente, j'ai 30 ans et je viens de revenir en France après avoir passé 6 ans en Australie. Et ce qui m'a choqué en revenant, c'est vraiment ce système vraiment de sécuritaire, cette ambiance, cette névrose à la française qui n'existe pas ailleurs. Et on nous arrête à chaque centre commercial, à chaque grand bâtiment pour nous fouiller nos sacs, comme si une personne qui voulait mettre une bombe pouvait pas la mettre ailleurs ou dans un métro ou dans une gare. Il semble qu'en fait, c'est la peur qui fait que les gens finalement votent pour des pseudo super-hommes qui nous vantent en fait une paix qui va exister mais qui n'existera jamais. Et j'ai l'impression que quand un monsieur tout à l'heure parlait de se changer soi-même, il y a un changement même qui est beaucoup plus interne à faire, hein, pas seulement dans nos pratiques et dans les institutions auxquelles on croit ou auxquelles on veut appartenir, mais vraiment avoir une réflexion sur ce à quoi on croit. Qu'est-ce que ça veut dire le respect de l'autre, qu'il soit blanc, noir, indien ou arabe? Qu'est-ce que ça veut dire justement? Quelle est la signification des mots qu'on utilise? Pas seulement au niveau politique, le nombre de fois où j'ai entendu le mot racaille être prononcé pour parler de jeunes, moi ça m'a révolté. Alors ça m'a peut-être révolté parce que j'ai parlé anglais pendant 6 ans, j'entends jamais ce genre de mot être prononcé dans le milieu anglophone. Donc déjà il y a un problème au niveau de la parole, à tous les niveaux. Mais il y a aussi un problème, je pense, dans la réplication des élites. Comme on disait, moi j'ai fait une grande école. Qu'est-ce qu'on m'a appris? On m'a pas appris grand-chose. On m'a appris à répéter ce que je vois autour de moi, à vraiment imiter les gens qui sont au-dessus de moi. On parle des mandats courts pour les hommes politiques, mais les mandats courts pour les personnes qui sont dans les hauts échelons, ils n'existent pas, ce sont toujours les mêmes élites, les mêmes conseils d'administration, les personnes sont nommées à différents conseils d'administration, il n'y a pas de représentation des femmes, pas de représentation des minorités, il suffit de regarder la BBC pendant 5 minutes pour voir des minorités. Quand on regarde la télé en France, on voit que des blancs, excusez-moi, hein, pour tous ceux qui sont blancs, on voit que des blancs, on voit que des hommes. Et on voit pas la France d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais en Australie, on me demandait à chaque fois vraiment si j'étais française, parce que j'étais pas blanche, parce que j'avais pas un super accent français et parce qu'en fait, je mangeais pas du brie tous les jours. Donc, on vit dans un monde mondialisé. Malheureusement, à cause de la peur, on reproduit, on a des sortes de raccourcis mentaux. Tout le monde, hein, ça n'épargne rien. Et en fait, on oublie finalement de se poser des questions sur tout. Et je pense qu'il faut vraiment reconsidérer tous nos a priori pour pouvoir vraiment avancer et accepter l'autre dans sa différence. Moi, je voudrais revenir sur le CETA. C'est une information. Le CETA a été signé hier, mais il doit être ratifié maintenant. Ça veut dire que chaque pays de l'Europe doit le ratifier. Donc, ça nous laisse une chance que 1, 2, 3, 4 pays réfléchissent maintenant et ne le signent pas. Donc, il n'est pas encore passé. Rien n'est perdu. On a encore une belle bagarre devant nous, des pétitions, des tas d'actions. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas dire qu'il est passé. Hein, parce qu'effectivement, c'est un traité extrêmement grave, délétère pour tous les pays. Donc, il faut laisser tomber. Il y avait le camarade là, qui voulait, qui rêvait qu'on fasse une ZAD. Mais on est en train d'y penser à faire une ZAD du côté du triangle de Gonesse, là où il est prévu de faire une piste de ski, un grand parc style Disneyland. Il y en a déjà à côté qui ne marche pas. Voilà, donc c'est des aberrations, ça. Une piste de ski dans la banlieue parisienne, c'est la folie, quoi. Ça va coûter les yeux de la tête, il n'y a pas de fric. Troisièmement, je voulais répondre à Khaled qui, par rapport à la phrase de Victor Hugo, quand on ouvre une école, on ferme une prison. Eh ben, c'est le contraire qui se passe en ce moment. On ferme les écoles, on supprime les postes, on supprime les classes, et on veut ouvrir, je ne sais plus combien, 700 prisons, on veut construire. Combien on veut construire de prisons en France, là? Il y a un projet de construction de prisons. Je ne sais plus combien ils veulent en construire. Donc, on est vraiment dans tout le contraire du projet de Victor Hugo. Et ça, c'est vachement grave. Donc, la lutte, elle n'est pas finie, hein. Bon, par rapport au gouvernement, moi j'en peux plus de ce gouvernement bonapartien. Merci de Gaulle, c'est lui qui a donné tout pouvoir au président de la République. Moi je n'en veux plus, qui que ce soit. Donc je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, foutre le bordel pendant la campagne électorale, ça c'est sûr. Mais j'ai pas d'idéal de gouvernement parce que je pense que l'idéal n'existe pas. Je crois, enfin vous l'avez déjà dit, donc je vais pas revenir, des petites structures, voilà, je crois qu'il faut qu'on reprenne nos vies en main au quotidien, dans des endroits, des locaux. Mais je vois pas comment on peut discuter des élections et du gouvernement si on garde ce style-là, ce style de gouvernement. Merci et merci pour ton témoignage juste avant. C'est très important, merci pour ton témoignage. Et juste pour te dire comme ça, nous on a fait un atelier comme celui-là sur l'éducation. Et bien évidemment la peur, on en parle parce que c'est très très important. Aujourd'hui, en majorité, ce sont les médias qui diffusent la peur. Donc après voilà, il faut faire comprendre aux enfants que, comme tu l'as dit, on a peur parce qu'on interprète. Enfin voilà, tout un mécanisme. Et ça, on en parle dans le. Tu peux aller sur le site Debout Éducation Populaire, voir le récapitulatif de ce qu'on a dit là-dessus. Voilà. Tu veux répondre directement ? Il y a juste autre chose que je voudrais ajouter sur le changement de soi-même. Toute cette élite, elle est créée par une ambition interne, celle de réussir et la méritocratie. Et la méritocratie, c'est quoi ? C'est qu'on a vraiment fait beaucoup d'efforts et on veut avoir le fruit de son travail et on veut le garder. Donc le fruit du travail, c'est l'argent, c'est la gloire. Mais comment justement arriver à une fondation qui soit plus égalitaire si on n'arrive pas à changer cette ambition personnelle qui existe en chacun de nous de vouloir briller, de vouloir être au-dessus de l'autre, de vouloir en fait correspondre à ce mythe d'exception. Voilà, c'est juste une question. Eh bien, va voir le résumé de ce qu'on a fait sur l'éducation. Vraiment, on a eu des profs qui sont venus nous donner des idées de ce qu'ils mettaient déjà en place eux-mêmes. Et c'est vraiment très intéressant. Juste un point technique qu'on vient de me dire. Debout éducation populaire, bah tu tapes ça sur Google. Ce soir, entre 19h et 21h, à la galerie d'Art Debout, projection du film... Non, projection de « Au fond, passent les autobus ». Contribution de la GAD à Opéra Debout. Donc voilà, c'est la seule information que j'ai. C'est à toi. Merci. Je rebondis sur l'intervention de la citoyenne là, qui est pas loin de moi, qui revient d'Australie. Donc, tu as parlé des mots, du langage qu'on utilise. Moi, ça m'interpelle beaucoup et je vais proposer à Debout Éduc Pop d'ici quelques temps une intervention là-dessus. Donc, c'est très important parce que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, peu importe qui, mais ceux qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir, ils sont très bien organisés. Ils s'organisent avec des éléments de langage qui sont repris souvent par la presse, malheureusement. Ça, c'est le pouvoir nocif de la presse. Elle n'a pas seulement un pouvoir nocif, mais ça, c'est le pouvoir nocif. La presse reprend les éléments de langage des politiques et nous les redistribue. Et si on n'a pas une alerte permanente là-dessus, on se désapproprie notre propre langage et notre propre idée du monde qui nous entoure et de ce qu'on peut y faire. Donc moi je proposerais d'ici quelques temps une intervention sur ça, sur le langage qu'on utilise, la terminologie qu'on utilise, c'est très important, penser par nous-mêmes. Merci, alors si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à venir nous voir. Pour rebondir également sur ce que disait la jeune femme qui revient d'Australie, au niveau du problème de la représentation, moi je pense qu'il y a, au-delà de la parité, on va dire, au niveau des origines ethniques ou religieuses, etc., je pense que pour moi le problème fondamental aujourd'hui c'est la parité sociale. Dans le sens où je pense qu'il faudrait instaurer une sorte de parité sociale au sein des instances de gouvernement. Parce que ce que je constate, c'est que l'essentiel des élus, de ceux qui détiennent le pouvoir, appartiennent généralement aux classes socialement supérieures. Et donc forcément, quand ils sont amenés à défendre ce qu'on appelle l'intérêt général, ils défendent l'intérêt général des classes supérieures. Et donc il faudrait vraiment trouver un moyen pour que au sein de l'Assemblée nationale, etc., de tous les organes de pouvoir, il y ait une parité sociale. Voilà, que les gens pauvres soient également représentés. Parce que dans la tradition grecque, qui était une tradition aristocratique, l'argument était de dire on ne veut pas que les pauvres prennent le pouvoir, parce que les pauvres, par nature, ils sont incultes. Donc du coup, la démocratie est un danger, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec le numérique, la démocratisation de l'enseignement, etc., les pauvres peuvent très bien être très cultivés. Et donc cet argument-là de dire que le pauvre égale ignorance, aujourd'hui n'existe plus. Donc aujourd'hui, de faire entrer massivement les pauvres en politique, je pense que c'est pas du tout dangereux pour la stabilité de l'État. Voilà. Après, ça dépend ce que tu appelles pauvre, quand même. Parce que faut quand même avoir accès au numérique pour pouvoir participer, du coup. Ah oui, moi aussi, je voulais faire le kangourou et rebondir. Et sur l'histoire du pouvoir, c'est à peu près au Moyen-Âge, il y avait des grandes familles. Et dans toutes les grandes familles, il y avait beaucoup d'enfants. Et il y en a un qui était général dans l'armée, il y en a un qui était cardinal dans l'église, il y en a un qui était politicien, pour que tout ce pouvoir reste dans les mêmes mains. Et c'est ce qui s'est refait depuis Napoléon III, on a toujours les mêmes familles qui se partagent le pouvoir, les banquiers aussi, j'ai oublié. Et il n'y a pas, comment dire, c'est eux qui décident encore aujourd'hui ce qui est bon pour eux. Et c'est dans le même principe que l'Église catholique. Hein. C'est-à-dire ce qui est fondamental pour eux, c'est le... Enfin, je ne sais pas trop comment le dire, parce que je voudrais choquer personne. Mais quand on parle de la famille, par exemple, l'idéologie de la famille, de le travail, famille, patrie, etc., c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est pour maintenir ce pouvoir dans les mêmes familles, c'est-à-dire conserver cette... comment dire, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est pour garder ce qui est sacré. C'est-à-dire aussi bien le sacré de l'Église, le sacré de Dieu, le sacré de la famille. Parce que c'est justement, ils pensent que c'est mis en danger dans le monde d'aujourd'hui où tout est sécularisé. Et bien sûr, ils ne le disent pas, et tout le monde pense que dire bon, mais l'Église, ça n'a plus d'importance, plus personne va à l'Église, etc. Mais ils n'en ont rien à foutre que plus personne va à l'Église. Du moment que c'est eux qui commandent, c'est d'une certaine manière, ils se prennent pour les gardiens du feu sacré. Et donc, ils sont prêts à tout pour le garder et même à massacrer le plus de gens possible pourvu que ce sacré, ce que eux considèrent sacré, reste. Merci. Donc, je vois qu'il y a des gens qui arrivent de temps en temps. Donc, je refais le point. En fait, on est à l'atelier du Pop. On est dans l'atelier « Quelle société veut-on ?» Et le thème du jour, c'est le gouvernement. Et donc, en fait, on amène les gens à donner leurs idées de ce que serait un gouvernement dans une société utopique. Voilà, faut pas hésiter à donner des idées qui même qui vous paraissent complètement impossibles, c'est pas grave, c'est pas important. Alors, je voulais revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour jusqu'aux élections. C'est vrai que c'est dans pas très longtemps, c'est compliqué d'organiser des choses à grande échelle. Mais du coup, à la dernière réunion de mercredi, on est un groupe à s'être décidé à essayer de promouvoir, travailler sur la démocratie. Et du coup, là, on a des idées de faire des autocollants pour promouvoir la vraie démocratie. Donc on va essayer de s'y mettre le plus rapidement possible, on a déjà une image. On a aussi l'idée de faire un tract et essayer, si possible, d'en produire énormément pour les diffuser vraiment partout. Si on peut, même faire des affiches pour mettre à côté, voire recouvrir pour ceux qui veulent les affiches électorales. Donc sur ces tracts et affiches, essayer de montrer ce qu'est une vraie démocratie, montrer pourquoi notre régime actuel n'en est pas une. Et c'est le tout ayant l'objectif de faire de l'éducation populaire, mais à grande échelle. Parce que le souci, c'est que tant qu'on continue à faire fonctionner le système électoral, tout va continuer de tourner normalement. Et ce processus fonctionne ce régime fonctionne sur la légitimité des élus. Donc aux dernières élections, il y avait quoi, ça, 50% d'abstention. Ça fait beaucoup moins de légitimité que les années précédentes. Mon avis personnel, c'est qu'aujourd'hui, ça devient carrément criminel pour un électeur de voter, d'élire un représentant. C'est en sachant derrière que ce dit représentant, on lui a donné sa voix et qu'il n'y a aucune. Il n'y a rien pour l'arrêter s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, s'il ne respecte pas son programme, etc. Il peut nous trahir au dernier degré, on n'y pourra rien. Et la dernière chose qui peut motiver les gens à voter, c'est le principe de on vote pour le moins pire. Mais si on continue dans cette direction, on pourrait voter, enfin on va continuer à voter à fond, mais pour des criminels, mais là ça sera carrément avéré. Il faut bien arrêter à un moment donné, quoi. Donc moi je fais partie des 50% qui sont abstentionnistes militants pour ma part. Non. c'est ce que j'aimerais faire justement avec ces tracts, stickers et affiches, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens se posent la question: qu'est-ce que c'est qu'une vraie démocratie? Pourquoi ça ne fonctionne absolument pas avec un système électoral? Parce que le système électoral est fondamentalement antidémocratique. Hein, ce qui fonctionne en démocratie, le principe, c'est surtout le tirage au sort. L'élection, c'est qu'une petite partie qui sert surtout à élire des gens sur les compétences, non pas sur leurs idées politiques. Donc voilà, pour l'instant, sans vouloir essayer de jouer à venir au présidentiel avec une association ou en tant que citoyen, personnellement, je pense que cette méthode ne fonctionnera pas. Du coup, je préfère directement passer par l'éducation populaire sur la démocratie, etc. Voilà. Oh, c'est magnifique ce que je viens d'entendre. Bravo, parce qu'enfin, les jeunes ne sont pas ni coupables, ni responsables, ni ils prennent des décisions, ce qui est la social-démocratie. En fait, tu te sens coupable, responsable, et tu prends des décisions pour toi-même. C'est magnifique. 35 ans sous la social-démocratie, les gens sont complètement paumés et complètement perdus. Mais les jeunes, où est l'avenir, ils commencent à prendre conscience et je suis très contente. Maintenant, je vais te persuader qu'il y a une autre manière de voter. Tu sais comment? Tu arrêtes de consommer, tu n'achètes rien qu'un jour, de 5 au 20 mars, Et au bout de 15 jours, si on est des millions comme les Tchèques étaient, qu'est-ce qu'on fait? Les financiers s'écroulent. On chasse tous ces idiots qui veulent être président de la République et on fait une assemblée constituante et par le même, on sauve les retraites des vieux et l'épargne. Parce que face à l'Allemagne et face aux États-Unis, un président va être croqué comme une crevette, comme Tsipras. Tandis que tout un peuple ne peut pas être croqué comme une crevette. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les vieux, prenez conscience qu'il faut être avec les jeunes. Et toi, tu es coupable, tu es responsable, et tu prends une décision comme un bon communiste de la française des communes paysannes du XIIe siècle. Merci beaucoup Maria. Que je voulais dire, oui, c'était un peu pour aller encore un peu plus loin, mais je pense que tu étais d'accord et tu l'as déjà dit à d'autres moments dans la parité sociale. Dans le gouvernement, en fait, je pensais même plus que des classes, en tout cas, par exemple, les enfants, les retraités, je suis très mauvais, je sais pas à partir de quel moment on considère comme une classe sociale un enfant, tu vois, est-ce que c'est une classe sociale un enfant, j'ai pas fait d'études là-dedans, bref, mais que beaucoup comme ça soient représentés, je pense que ça, c'est important. Après, je pense que dans le gouvernement, ça serait peut-être difficile, en tout cas, certainement dans des organes de contrôle ou des choses comme ça, je pense que ça serait important, ou de consultation. Ce serait important. Et en fait, du coup, ça me fait penser le monsieur ce qu'il me disait. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé que ces gens sont organisés. Et c'est justement ce qu'on essaye, je pense, de remettre en question aujourd'hui, c'est leur organisation. C'est ça qu'on veut changer. Et justement, ils sont organisés, ils sont bien organisés, et ça nous plaît pas de la manière dont ils sont organisés. Donc c'est ça qu'on essaye de changer aujourd'hui, c'est quelle organisation on veut, quoi. C'est un peu ça, même si c'est vraiment pas évident à concrétiser, je pense. Voilà, c'est tout. C'était juste pour reciter Victor Hugo, je l'ai déjà dit, mais ça va bien avec l'atelier, en fait. Et il disait aussi l'utopie est la réalité de demain, donc voilà. Allons-y, quoi, n'ayons pas peur. Non, moi je voulais juste dire la grève de la consommation, c'est une très bonne idée, mais voilà. Faut convaincre les gens maintenant. C'est sûr. Moi, c'était simplement pour rebondir très brièvement sur ce que vient de dire cette personne. Là, on est plus, en fait, quand on parle du système, la manière, l'organisation, tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on discute de la couleur du papier peint sans avoir encore l'appartement, en fait. Donc, du coup, moi, je pourrais te répondre, par exemple... un truc tout bête, la voiture Google Car qui sort bientôt, ou si ce n'est déjà fait, ça fait 40 ans qu'ils en parlent, au moins. Tu vois, et ces gens-là, il y a 40 ans, ils avaient l'idée, ils se sont dit, vas-y les gars, on va faire une voiture qui conduit toute seule. Les gens autour d'eux, ils ont dit, putain, vous êtes fous les gars, ça marchera jamais. Voilà. Aujourd'hui, ils sont là. Bon, après, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, hein, j'avoue. Oui, mais 40 ans des... réflexion pour faire une bêtise, c'est bien trop. C'est une bonne réponse, mais bon, voilà, ça fait partie de l'utopie quand même. Donc, ouais, c'est bien. Alors maintenant, on peut effectivement être plus précis, et c'est vrai que quand on parle de gouvernement, ça serait bien aussi de parler des limites et des contre-pouvoirs, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et je pense que c'est important. Et alors moi, je vois deux types de contre-pouvoirs. Alors d'abord, c'est quoi un gouvernement, concrètement? Donc en philosophie politique, le gouvernement, d'abord le pouvoir est divisé en trois. Il y a le pouvoir judiciaire, qui est le pouvoir de la loi, le pouvoir législatif, qui est le pouvoir du Parlement, du peuple, les représentants du peuple, et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, qui lui prend les décisions. Et ce président-là va nommer un gouvernement qui va être responsable devant l'Assemblée nationale, donc devant les représentants du peuple. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on pourrait attendre d'un gouvernement idéal, c'est qu'il respecte les principes de Montesquieu de séparation des pouvoirs, en ce sens qu'il y a une séparation entre le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif, mais qu'il y ait vraiment que les juges soient vraiment libres, de telle sorte à ce qu'au-dessus de ce gouvernement, il y a un autre pouvoir dont on n'a pas parlé, enfin on a parlé, mais on peut en parler également, c'est la Constitution, qui est la loi de la loi. Il faut que la loi soit au-dessus. En fait, quelque part, pas des hommes, mais qu'il y ait une loi au-dessus qui fixe les règles. Et donc, L'autre contre-pouvoir que je pense qui est très important et qu'aujourd'hui, dont on ne parle pas aussi, c'est la question de l'environnement. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être aussi aujourd'hui parler de qu'est-ce qui est sacré dans notre société. Alors on parle beaucoup des religions, mais moi je pense qu'il faudrait aussi qu'on parle du sacré concret, dans le sens où, par exemple, l'eau, on pourrait dire, voilà, l'eau désormais est quelque chose de sacré, quelque chose qui est inaliénable, qui ne peut pas être une marchandise comme une autre. Dire que la terre, qui permet de faire l'agriculture, doit être aussi quelque chose de sacré, qui ne doit plus être considéré comme une marchandise. Donc qu'on délimite en fait le champ du marchandage et le champ du sacré. Et que même le gouvernement n'ait pas de pouvoir sur ce sacré-là. Que ça soit un bien inaliénable de l'État, ou il faudrait imaginer comment définir ça. Mais qu'on instaure voilà, deux types de contre-pouvoirs. Merci pour ton témoignage. Donc on va. Alors je vais lui donner la parole, après je te donne la parole. Vous ? Ok, bon. Oui, ça va être très simple. Je crois qu'il faudrait parler peut-être un jour du pouvoir des lobbies. Alors on en a déjà parlé un petit peu. Et nous on dit qu'il faudrait interdire le lobby. Après, pour le moment, on n'a pas encore réfléchi à comment le mettre en place. Mais tout bêtement, il faut le supprimer. Enfin, c'est pas sain en tout cas. Justement, par rapport au pouvoir des lobbies, aujourd'hui, on sait que ça fait déjà pas mal d'années que les lobbies influencent énormément justement les représentants politiques. Mais à côté de ça, faut pas oublier que ce sont quand même les hommes politiques qui font les lois. Ce ne sont pas les lobbies directement. C'est bon, sauf Macron qui vient de rentrer parce qu'il est de Rothschild, mais ils ne viennent pas tous d'une grosse entreprise, d'un industriel. Donc à partir du moment si on reprend possession de la vie politique en instaurant par exemple une démocratie, la grosse influence des lobbies avec leur argent, toute forme de répression qu'ils pourraient mettre, ça va être beaucoup plus difficile à amener quand, à la place d'avoir peut-être 500 représentants, bah vous avez des milliers de citoyens qui seront là pour quoi, peut-être une semaine, quelques mois, ils n'auront absolument qu'une voix parmi tant d'autres, ça sera beaucoup plus difficile à corrompre et surtout de trouver un poids pour les corrompre et influencer justement les lois. Aujourd'hui, c'est facile parce que les représentants politiques, on a environ 500, presque 600. Ce sont toujours les mêmes depuis des décennies. Et ils ont 60 ans presque minimum. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut dire directement, oui, les lobbies font les lois en faisant un gros raccourci. À partir du moment où on fait en sorte que la corruption soit beaucoup plus difficile à amener, on se rend compte que non, à moins qu'ils soient directement au gouvernement, les industriels, toute entreprise, c'est pas eux qui écrivent directement les lois. Donc. Bonjour à tous. Si j'ai bien compris, on parle d'utopie, c'est ça? Donc surtout tout à l'heure quand vous avez fait... Surtout tout à l'heure quand vous avez fait allusion aux recherches et tout ce qu'ils font les gens de Google, moi je le dis directement, moi je suis un utopiste mais gravement atteint. Mais je vais dévoiler dans quelques instants à quoi je pense, enfin mon utopie, et vous allez me dire combien de temps à peu près je vais attendre. Et en deuxième partie, je vous pose une question aussi, enfin une question à tout le monde pour me renseigner plutôt. Mon utopie consiste à quelque chose de très, disons, très connu pour tout le monde. Et encore auparavant, je vous donne un exemple. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, enfin tout près de nous, c'est l'Angleterre, il y a un pari, comme ici en France. Je crois qu'il n'y a pas cette tradition en France, mais là-bas, on fait courir les chiens. D'accord ? Mais imaginez la scène, tout le monde a parié, il y a des chiens dans les cages, dans les loges, À votre avis, qu'est-ce qu'on fait pour faire courir les chiens? Déjà, vous savez, il y a un objet devant les chiens. Je crois que c'est un petit lapin. D'accord? Ou voilà, genre de la famille de lapins. Donc, on fait sortir ça, on fait apparaître ça, et les chiens courent après. Et nous, les êtres humains, sur notre planète, à mon avis, pourrie, qu'est-ce qu'on est en train de courir? Après quoi exactement? Est-ce que c'est l'argent ou autre chose? À mon avis, pour l'instant, c'est l'argent, parce qu'on est tous victimes de système capitaliste. D'accord? Donc, ma proposition, mon utopie, c'est de supprimer, anéantir l'argent. D'accord? Mais dans combien de temps on va y arriver, je ne sais pas. Mais c'est un grand combat contre tout le système sur toute la planète, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, quelle que soit la monnaie sur cette planète, doit être anéantie. D'accord? Donc, que tout le monde travaille pour ce dont on a besoin. Je répète ça, je ne l'ai pas inventé. Il y a encore des petites communautés qui ont commencé par-ci, par-là, que ce soit en France ou ailleurs, en Europe, ou même en Amérique du Sud, qui se sont mis à ce genre de mode de vie, en fait, qui ont commencé. Et moi, je dirais, on va finir par ça. C'est-à-dire, on va finir par se rendre compte que l'argent est l'invention par l'être humain la plus nuisible à la société humaine. Vous comprenez? J'ai formulé ça, en fait. Donc, pour moi, l'avenir de l'être humain, c'est la société sans argent et travailler en collaboration avec toute l'intelligence, avec tout le progrès, avec tout ce qu'on invente, mais sans attendre d'obtenir quoi que ce soit de plus que l'autrui. Vous comprenez? C'est tout simplement pour le bien-être de l'être humain. D'ailleurs, bientôt, on va sur Mars. Donc, je ne sais pas comment on va détruire cette planète. Mais ce système-là, ils sont déjà en train de penser comment on peut détruire cette planète en gagnant encore plus. Donc, voilà cette partie. Ma question, quoi de neuf des altermondialistes? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que c'est toujours en cours? Et qu'est-ce qu'on attend de... C'est ce qu'on appelait les altermondialistes. Alter, moi je comprends, alternative ou autre chose. Qu'est-ce qu'on propose contre ce système pourri, contre cette planète qui est en train de mourir et nous sommes avec? Nous sommes les victimes. Merci. Je vais juste te répondre directement. Alors, altermondialiste, je ne vais pas te répondre. Moi, je ne suis pas du tout capable de te répondre. Et puis, pour ce que tu disais avant, en fait, la société sans argent, alors c'est très bien que tu le dises. En fait, la dernière fois, la semaine dernière, on a l'atelier, on a travaillé là-dessus, on a élaboré on en a parlé, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, rien que de le dire, c'est très compliqué. En fait, les gens ne sont pas du tout réceptifs, sachant qu'on est complètement soumis à ce système, dépendant de ce système. Quand tu parles d'une société sans argent, les gens n'arrivent même pas à imaginer comment c'est possible. Voilà, c'est juste, mais c'est très bien juste déjà de le dire. Nous, on le met en avant aussi, voilà. Mais voilà, c'est merci en tout cas pour ton témoignage. Bon, cette histoire me fait penser une très vieille histoire. Je ne sais pas si La Fontaine en a profité pour la reprendre, mais je pense que c'est possible. Mais je vais à la source. Un certain Ésope, ça vous dit quelque chose? Les fables d'Ésope. C'est à peu près 5 siècles avant notre ère. 5 siècles, ça fait 2500 ans. Depuis 2500 ans, les problèmes sont les mêmes, je vois ici. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors, c'était des grenouilles. À ma connaissance, dans la psychanalyse freudienne, la névrose, c'est un sujet qui a un problème psychique, une souffrance, dont il ne connaît pas l'origine, mais en fait, il a conscience qu'il est malade, qu'il a un problème. Donc, il va voir un psychanalyste pour l'aider à déterminer l'origine, etc. Et opérer une maïotique, etc. Bon. Alors que le psychotique, lui,